Le Dhammapada. Verset sur la colère. Abandonne la colère, finis-en avec l'orgueil, dépasse tous les obstacles et les empêchements. Quand tu es libre de tout attachement au corps et à l'esprit, entièrement libre, aucune souffrance ne jaillit. Celui qui est capable de maîtriser fermement la colère, comme on maîtrise un attelage de coursier, celui-là est un véritable conducteur de char. Les autres ne font que tenir des rênes. Vains les coléreux par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité, les menteurs par la vérité. Ne pas dire de paroles mensongères, ne pas céder à la colère, donner aux nécessiteux, même quand on possède peu. Ces trois vertus nous élèvent vers les cieux. Les sages pleins de bonté, dont le contrôle du corps est parfait, atteignent l'état d'équanimité où toute peine disparaît. Pour ceux qui demeurent vigilants, qui s'entraînent jour et nuit, constamment, avec, pour seul but, la libération, pour eux, un jour, tous les voiles tomberont. Atula, il en a toujours été ainsi, cela n'a rien de nouveau. Le monde trouve à redire quand on est assis en silence et quand on parle trop. Il trouve même à redire quand on parle avec sagesse et modération. Nul en ce monde n'échappe à la critique. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais, et il n'existe pas actuellement d'homme qui soit critiqué par tout le monde ou apprécié par tout le monde. Mais si, après l'avoir observé, jour après jour, les sages le louent, c'est qu'il se comporte admirablement, qu'il est vertueux, intelligent et doué de discernement. Qui pourrait critiquer un tel homme, aussi pur qu'un lingot d'or? Les Devas eux-mêmes chantent ses louanges, Brahma lui-même chante ses louanges. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en acte. Sache maîtriser ton corps. Ayant cessé tout mauvais comportement en action, aie un bon comportement dans l'action. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en paroles. Sache maîtriser tes paroles. Ayant cessé tout mauvais comportement verbal, et un bon comportement verbal. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en pensée. Sache maîtriser tes pensées. Ayant cessé tout mauvais comportement mental, et un bon comportement mental. Ceux qui savent maîtriser leurs actions, qui savent maîtriser leurs paroles et leurs pensées, les éveiller, sont ceux dont la retenue est sûre et vraie.